Donc ça, c'est le premier paragraphe. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne voit-il donc pas comment les chameaux ont été créés? Allah Azza wa Jalla incite les gens qui ne croient pas en la véracité de son messager, alayhi salatu wassalam, et les autres également, il les incite tous à méditer dans les créations, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Car sa création est parmi les signes de son unicité. Et subhanallah, c'est tellement évident. Walhamdulillah. Alhamdulillah qui nous a montré ces vérités comme étant des évidences. Et na'udhu billah de l'état de ceux qui ont été aveuglés devant ces vérités qui sont plus claires et plus évidentes que le soleil en plein milieu du ciel. Yani quand tu médites sur la rien que les animaux dans la forêt, tu vois facilement, tu arrives à cette déduction très facilement, que le créateur de tous ces animaux est unique. Et ça peut pas naître du hasard. Ça a été créé dans un ordre et dans une harmonie. Les animaux qui s'accouplent entre eux et les animaux qui servent de nourriture pour d'autres pour former ce cercle dans la forêt et qui permet la continuité si ce n'est pas la mauvaise intervention de l'homme qui vient gâcher ces choses-là. Mais sinon, Allah Azza wa Jalla a créé les choses dans une perfection absolue. Et les animaux, malgré leurs différences, malgré que tu trouves qu'un animal ne ressemble pas à l'autre, mais il y a des points en commun dans le système, dans le mécanisme, dans les fonctionnements, même si l'apparence ne ressemble pas, tout ça indique que le Créateur est unique et que ces choses-là ne sont pas nées du hasard ou une coïncidence. Et subhanallah, tu trouves des hommes intelligents soi-disant et il te dit toute cette création, c'est le fruit du hasard. Taïb. Je lui dis, tu sais, hier, j'ai acheté du carrelage et je l'ai ramené à la maison. J'ai pas eu le temps de le placer hier et je l'ai laissé dans les cartons. Le lendemain, je suis revenu chez moi. Le carrelage a été fait à la perfection. Chaque carreau est placé à côté de l'autre dans une perfection. Et tu lui montres les images. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, t'es un menteur, c'est pas possible. Je lui dis, t'as raison, c'est pas possible. Un carrelage aussi simple que ça, pour toi, ça peut pas être le fruit du hasard. Ça peut pas être né tout seul. Ça peut pas être fait tout seul. Il y a forcément l'intervention. Une intervention de quelqu'un. Naam, t'as raison, là t'as fait travailler ton cerveau. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Et celui qui dit l'inverse, c'est un fou. Mais toi, yani par rapport à ce carrelage, tu refuses que ce soit le fruit du hasard et tu viens à cette création immense et extrêmement harmonieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans laquelle il y a un ordre qui dépasse l'entendement, et tu me dis tout ça c'est le hasard. Ou tu lui dis un autre exemple, tu lui dis, tu sais il y a eu une tempête qui a duré pendant à peu près une demi-heure. Et cette tempête, elle a eu lieu à côté d'un endroit dans lequel il y avait du métal et des choses comme ça. Et ça a duré pendant une demi-heure après la fin de la tempête. On a trouvé que un Airbus a été construit avec la tempête, avec les sièges et les fenêtres et les moteurs et tout l'ensemble. Le même que l'Airbus que vous connaissez. Il va pas te croire. C'est pas possible. La NASA est tellement fabriquée dans une perfection et dans des détails extrêmement minutieux que c'est pas possible que ce soit une tempête, le hasard, tac, ça donne ça. Et ton corps qui n'est même pas comparable dans son perfectionnement par rapport à l'Airbus, c'est le hasard. Et pire encore, ces darwiniens qui disent que tout est né à partir d'une cellule unique. Le singe, le lion, la souris, le chat, le poisson, tout vient de la même cellule. Mais bien évidemment, cette théorie, elle est tombée. Et elle n'a plus de poids scientifique aujourd'hui. Mais ils l'ont développée pour leurrer encore plus de monde. C'est ce qu'ils appellent les néo-darwinistes. C'est-à-dire, ils ont développé la théorie de Darwin. Car Darwin, quand il a fait sa théorie, il a dit, Darwin c'est un juif, bien évidemment, et à chaque fois que vous trouvez un mâle, une façade, ayez la certitude que les juifs sont derrière. Donc, Darwin, il a mis comme condition pour la validité de sa théorie, c'est de trouver des étapes intermédiaires. Des fossiles d'étapes intermédiaires. Parce que pour lui, yani, il se fout des gens, mais quand même, il faut, on peut pas passer de l'âne au lion. On a un clin d'œil. Il a dit, il faut une étape intermédiaire. Et s'il y a eu cette étape, forcément, vous allez trouver des fossiles sur Terre. Chose qui n'a jamais été trouvée. Donc là, ils sont passés à une deuxième théorie, ce qu'ils appellent le néo-darwinisme, c'est de dire qu'il y a eu une mutation. C'est pour ça qu'ils font des films pour appuyer ces théories-là. Yani, quelqu'un, il est devant toi, il est singe, un rayon du ciel, il devient un lion. Ils ont dit c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est la seule explication. Alhamdulillah. Moi, personnellement, quand quelqu'un il venait, il me disait l'origine de l'homme, c'est le singe. Je lui dis, pour me moquer de lui, je lui dis, moi, alhamdulillah, je suis un homme qui descend d'un homme. Et mon père, c'est Adam alayhi salam, qui a été créé avec les mains d'Allah. Allah l'a créé. Un homme, et moi, je descends de lui. Et je lui dis, mais toi, par contre, en regardant ton visage, c'est vrai que tu as des ressemblances avec le singe. Tu as beaucoup de ressemblances avec le singe, mais pas moi. Moi, alhamdulillah, Allah m'a créé dans une création, alhamdulillah. Yani, homme qui descend d'homme. Mais toi, mais quand tu lui dis ça, il ne l'accepte pas. Il le prend très mal, parce qu'il veut que tu sois singe comme lui. Non, si t'es singe, vas-y, assume. Mais moi, je suis pas un singe. Le singe, il a un jour, il a marché, ou la mohème, l'homme, ça. Comment, Annie, tu te dis comment les gens peuvent gober ces choses-là? Ils sont dans des sociétés soi-disant modernes, sans monter sur la lune, sans, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés dans le plus profond de la mer. Ils croient qu'il est singe. Wal'iyadu billah.